Merci, quel que soit l'endroit où vous êtes, merci de me recevoir chez vous. Alors, ce matin, quand je dis matin, pour ceux qui sont avec moi ici en Amérique du Nord, les États-Unis d'Amérique et le Canada, cet après-midi, parce que je sais qu'il est 16 heures au niveau de l'Afrique centrale et de la France, soyez tous salués et merci encore d'avoir répondu à mon appel. En effet, la thématique d'aujourd'hui, elle est très importante. Il s'agit de pouvoir comprendre et appliquer les techniques qui permettent l'éveil des facultés supérieures. Bon, pour ceux qui n'ont pas pu suivre cela en prélude, j'ai fait un petit live sur ma page Facebook. Je parlais du paranormal. Aujourd'hui donc, il s'agira de vous amener en plein dans l'étude du paranormal, c'est-à-dire la parapsychologie. Et dans cette étude de la parapsychologie, nous allons aborder des points très importants que j'appelle ici les points saillants. Et ce sont ces points saillants-là, justement, qui vont vous permettre, une fois, vous comprendrez l'application. D'abord, comprendre ce que c'est, et ensuite, désormais, comment appliquer cela dans votre vie de tous les jours, par une pratique quotidienne. Vous allez éveiller vos facultés supérieures. Et qu'est-ce que c'est une faculté supérieure? Donc, c'est au cours, n'est-ce pas, de l'échange que nous allons avoir, que vous allez comprendre ce que c'est. Autour de ceux, donc, je vous prie, c'est très important, parce que c'est l'éveil de ces facultés supérieures, justement, qui vont vous permettre de maîtriser la deuxième phase des sciences occultes, ou la deuxième phase de ce que je préconise dans mes enseignements, parce que mes enseignements, il y a deux formes d'initiation. Il y a ce qu'on appelle l'initiation douce, et cette initiation douce, effectivement, passe par l'étude, le développement de soi, l'étude des facultés supérieures. Et la deuxième forme d'initiation, c'est l'initiation forte. Donc, vous verrez que l'initiation douce est un tremplin. L'étude ou le développement de ces facultés supérieures est un tremplin vers la pratique des magies cérémoniales, la pratique des initiations de chenou. Donc, il est très important qu'aujourd'hui, vous puissiez avec moi voyager dans ce monde du paranormal et de comprendre certains phénomènes tels que qu'est-ce qu'on appelle le calme du mental, qu'est-ce que c'est la concentration, qu'est-ce que c'est la méditation, qu'est-ce que c'est la visualisation, qu'est-ce que c'est les prophéties. Autant des facultés supérieures qui sont enfouies en tout un chacun hein, que vous pouvez développer. Donc, je vous prie d'inviter le maximum de personnes. Merci beaucoup. Donc, une fois de plus, soyez salués et merci de me recevoir chez vous et quel que soit l'endroit où vous trouvez. Je tiens ici donc, une fois de plus, à remercier tous ceux qui sont toujours fidèles à mes enseignements. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder une thématique un peu plus scientifique. Pourquoi je dis scientifique? Parce que je vous parle toujours d'un concept de M. Moreau Nouvier, donc un concept que j'ai créé, que j'ai inventé. Je l'appelle le prêt. Le prêt, pour ceux qui sont tout nouveaux, il y a une vidéo disponible ici où j'explique ce que c'est le prêt. Le prêt n'est autre que la clé qui vous permet à la fois de comprendre ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est-à-dire sur la compréhension des facultés supérieures ou sur la compréhension et l'application de les dons. C'est ce que les religieux appellent les dons, mais en réalité, ce sont des facultés, mais qui sont endormies en nous. Donc, justement, le prêt nous permet l'applicabilité de celles-ci, du point de vue théorique, pratique et expérimental, et le prêt également va vous aider. C'est un peu comme, si vous voulez, une clé USB. Cette clé USB qui a enregistré tout le processus, c'est là-dedans qu'on va charger cela. Et donc, c'est une clé qui vous permet donc de à la fois appliquer l'initiation douce et l'initiation forte. Donc, ceux qui ont bien suivi mes explications sur le prêt c'est P pour penser, R pour respiration. Donc, penser, les trois formes de penser, j'explique. Respiration, les trois formes de respiration, laquelle il faut appliquer dans ce cas de figure, esprit ou énergie, donc comment véhiculer justement votre pensée sous couvert d'une respiration bien contrôlée à partir de laquelle vous pouvez atteindre des objectifs, c'est d'où la lettre finale T. T qui veut dire toucher. Toucher, en d'autres termes, la matérialité. Donc aujourd'hui, nous allons concentrer nos énergies et pour le peu de temps que nous allons penser ensemble, je vous prie de poser des questions bien spécifiques sur cette thématique. Car, je vous dis, ça va vous sauver, ça va vous aider. Surtout pour ceux qui sont religieux, ceux qui sont encore hésitants d'abandonner leur religion, religion chrétienne ou religion musulmane. Bon, encore les musulmans, ils ont cette liberté-là d'avoir accès à d'autres connaissances. Donc, s'il s'agit bien de pouvoir comprendre et d'appliquer les facultés supérieures pour pouvoir vous permettre naturellement d'éveiller votre divinité. Il faut donc comprendre ce que c'est. Vous ne pouvez pas éveiller votre divinité si vous ne comprenez pas ce que c'est, n'est-ce pas, une faculté supérieure. Qu'est-ce que c'est une faculté supérieure? Je n'ai pas cherché le mot dans le dictionnaire, mais une faculté supérieure, c'est dit tout simplement quelque chose du paranormal. Par exemple, la lecture de la pensée de quelqu'un est une faculté supérieure. Voyez-vous, vous êtes capable de lire les pensées des gens. C'est une faculté supérieure. Il n'y a rien de démonique ni de démoniaque. Ça fait partie de ce que j'ai appris à l'école. J'ai un diplôme là-dessus. On appelle cette science la parapsychologie. Que Dieu ait son âme. Et je sais qu'il est dans un lieu de repos et qu'il continue le travail. Monsieur Patrick Nguemandon, dans les années 1982, il parlera d'une école qui serait ici aux États-Unis, en Californie. Je m'en souviens, il parlait de l'école de la parapsychologie avancée et appliquée, laquelle école a été créée par des Russes. Car les Russes, durant la guerre froide entre les Russes et les États-Unis, ça, avant les années, durant cette période, les années 60 jusqu'en 80, les Américains ne comprenaient pas comment les Russes arrivaient à détenir certaines informations. Alors, on a fini par découvrir, nous dira ce Russe qui va ouvrir la première école de parapsychologie aux États-Unis avec l'autorisation des Américains, et lesquels Américains applaudirent vraiment avec joie. Ils ont ouvert donc l'école de parapsychologie. Alors, Patrick Nguemandon, que Dieu ait son âme, quand il parle de cela dans les années 82, je suis encore au lycée technique, j'ai pris note. Et c'est ainsi qu'en 99, quand j'arrive ici aux États-Unis, la première chose que je cherche avec acharnement, c'est cette école de parapsychologie. Alors, je retrouve le contact. Et moi-même, je m'y inscris. Je m'y inscris et je retourne au Gabon. 3 ans plus tard, vous savez mon histoire, je démissionne d'échelle. Quand mon mandat à la mairie, qui me lie à la mairie de Gamba, à la commune de Gamba, prend fin, je viens m'installer définitivement aux États-Unis. Alors, de 1999 jusqu'en 2003, je reçois ma certification de cette école de parapsychologie qui se trouve à San Diego, aux États-Unis, et une deuxième se trouve à LA, Los Angeles, et c'est là-bas où la plupart des grands magiciens professionnels sont formés. Ça s'appelle la parapsychologie. C'est une branche qui permet d'étudier tout ce qui est paranormal, qui permet d'étudier ce que certaines personnes pourraient appeler les mystérieux pouvoirs de l'homme. Parce que l'homme a des mystérieux pouvoirs. Ces pouvoirs qui sont enfouis en lui, il faut pouvoir les découvrir. Maintenant, nous, en parapsychologie, on appelle ça les facultés supérieures. Donc, ces facultés supérieures, ce sont des pouvoirs qui sont endormis en vous. Vous vous réveillez un bon matin, vous avez rêvé. Vous rêvez quelqu'un. Mais à votre grande surprise, ce quelqu'un, vous le rencontrez, vous le voyez le lendemain. Vous pensez à une femme, fortement, ou à un homme. Vous le cherchez pendant des années, et à votre grande surprise, vous le retrouvez. Alors, comment on appelle cela? Mais ça, c'est la parapsychologie, l'étude du paranormal. C'est-à-dire que tout ce qui paraît pas trop normal, mais que nous pouvons expliquer. Et c'est cela que je prendrai la peine, si le temps nous permet. Ben, je vais donc aller étape par étape. Le premier phénomène qui vous permet de déclencher et d'éveiller vos facultés supérieures s'appelle la concentration. Et ça, il faut le retenir. Ben, il y a des écoles qui vont vous apprendre ce que c'est la concentration. Il y a certains religieux qui vont même vous dire que ces phénomènes sont plutôt des phénomènes démoniques. Mais s'il vous plaît, soyez moins passionnés, je vous en prie. Car la science, justement, elle est là pour nous expliquer toutes ces choses. Et il y a justement une branche de la science qu'on appelle la parapsychologie. Donc la concentration, c'est tout simplement créer une netteté, une clarté sur les objectifs, sur un objectif fixe que vous voulez atteindre. Je répète, la définition de la concentration, je n'ai pas regardé un dictionnaire, mais ça, c'est la définition que moi, on m'a appris à mon école supérieure de parapsychologie, de la compréhension des phénomènes que le psychologue ne peut pas expliquer. Ça, j'ai oublié de vous dire. Parapsychologie vient de, vous voyez, psychologie. Donc, nous avons para et nous avons psychologie. La psychologie, comme vous le savez, c'est l'étude de l'homme. C'est l'étude du comportement de l'homme dans son environnement direct et indirect. La complexité des situations qui se présentent au quotidien, alors la psychologie a été créée. Mais ce n'est pas une science exacte, malheureusement. Peut-être pour cela, on ne les paye pas beaucoup d'argent ici. Car c'est une science qui est qui fait partie de la déontologie scientifique qui définit la science comme étant une science évolutive. Mais la mathématique n'est pas trop évolutive, car elle n'est peut-être pas aussi figée dans l'espace et le temps, mais c'est l'homme qui évolue à la découverte de la complexité de la mathématique. Mais la parapsychologie, je voulais dire, la psychologie, par contre, elle est un peu limitée, car une science pas trop exacte, elle se base sur des analyses, sur des hypothèses qui parfois se contredisent et qui parfois sont mises dans les oublis de l'histoire. Voyez-vous? Donc, par contre, la parapsychologie, justement, para veut dire qui vient au-dessus de la psychologie, qui va au-delà de la psychologie et qui dépasse les limites, mais qui va même au-delà du conscient. C'est là, quand on parle du conscient, qui va au-delà du conscient, là, on parle du subconscient. Or, subconscient, c'est qu'on ne voit pas. Alors, il faut l'expliquer. Voilà pourquoi nous autres, donc, experts de la sorcellerie, de la métaphysique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de l'étude du paranormal, on essaie, on vient donc expliquer. Et quand on explique, ça veut dire qu'on l'a expérimenté. Donc, la concentration, c'est la netteté et la clarté d'un objectif. C'est-à-dire que, je prends un exemple pratique. paire de ciseaux. Je veux me concentrer uniquement sur cette paire de ciseaux. Alors, je ne pense qu'à cela. Donc, se concentrer veut dire, je regarde une chose à la fois, mais pas plusieurs choses. Voilà la différence entre la... Quand nous allons rentrer dans l'autre définition de la méditation, parce que les gens ont tendance à confondre. Donc, lorsqu'on se concentre, on concentre son esprit, son âme et son physique à un point bien donné et on cherche à obtenir une clarté et une netteté exacte de ce que nous avons devant nous. Voilà ce que c'est la concentration. Et vous verrez que donc la concentration, nous l'utilisons dans pas mal de choses. Lorsque vous faites quelque chose, concentrez-vous. Ça fait appel donc à votre esprit pour que votre esprit ait une clarté et une netteté sur ce que vous voulez faire et vous voulez obtenir. Donc, il faut vous concentrer. Vos études, on vous dira concentrez-vous à vos études. Mais parce que vous voulez que votre esprit soit être une netteté, une clarté exacte de ce que vous voulez atteindre comme objectif au lieu de vous embrouiller. Donc, concentration est contraire d'embryonomie. Pour éviter de vous embrouiller, vous devez vous concentrer. Donc, mettre toute votre attention à un point X donné, afin que ce point X donné, vous ayez une clarté et une netteté exacte de l'information que vous voulez, c'est cela la concentration. Mais souvent la concentration, nous l'utilisons également dans les arts martiaux. Nous l'utilisons presque dans tous les aspects de la vie. Je crois que nous sommes tous d'accord sur cette définition. Bien. Juste aussi pour ajouter que la concentration, donc, elle fait partie, justement, du développement personnel. Il faut apprendre à vous concentrer. Sinon, votre esprit va être dispersé. Donc, pour éviter l'embryonomie, pour éviter la dispersion de votre esprit, il vous faut maîtriser la concentration. Est-ce qu'il y a quelque chose de diabolique? Je ne crois pas. Nous avançons au deuxième phénomène qui permet d'éveiller vos facultés supérieures. C'est la méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? Méditer, c'est tout simplement élargir son champ de conscience. Et quand vous élargissez donc votre champ de conscience, cela va permettre votre esprit de s'ouvrir aux lumières de l'intelligence universelle. Je répète, méditer, c'est élargir son champ de conscience afin de permettre votre champ de conscience ou votre esprit d'avoir accès à l'ouverture ou encore ça va ouvrir, n'est-ce pas? La méditation va vous aider à ouvrir, non seulement élargir votre champ de conscience, mais ça va vous permettre aussi d'avoir accès aux portes des lumières de l'intelligence universelle. Ayant pour conséquence, naturellement, plusieurs entités qui vont vous visiter. Et là, ce qui explique pourquoi nos frères religieux disent que la méditation, elle est diabolique, pour ne pas dire elle est démonique, et que quand vous méditez trop, les esprits, les démons vont vous visiter. Loin de là. La définition que je vous donne, vous pouvez la vérifier dans votre dictionnaire Larousse. Vous pouvez le vérifier dans le dictionnaire ésotérique. On vous dira que méditer, c'est élargir son champ de conscience. Méditer, c'est aussi chercher à ouvrir les portes des lumières de l'intelligence universelle. Ou encore, ça vous permet d'ouvrir les portes de lumière du monde de l'au-delà. Et votre attitude et votre comportement consistera à rester dans un état de neutralité absolue. Voilà ce que c'est la méditation. Vous restez donc dans cet état de neutralité absolue, mais vous laissez votre champ de conscience ouvert. Et quand vous laissez votre champ de conscience ouvert, il y a cet élargissement-là. D'accord? C'est cela, la méditation. Il y a maintenant un troisième phénomène qu'on appelle la visualisation. Et cela Je reviens sur le deuxième phénomène qui permet, qui va vous aider à ouvrir vos facultés supérieures, qu'est la méditation. Parce que quand vous élargissez votre champ de conscience, quand vous commencez à avoir accès aux portes des lumières de l'intelligence universelle, quand on parle de l'intelligence universelle, cela englobe l'esprit original, l'esprit primordial, d'avec ses pouvoirs délégatoires, donc celui que nous appelons Dieu, d'avec toutes ces entités qui peuplent, toute cette peuplade du monde extraterrestre, du monde qui est au-delà de notre planète Terre, eh bien, quand vous avez accès à tout cela, vos facultés supérieures vont s'ouvrir, telles que quoi? Mais telles que le don d'écouter et de recevoir des messages de l'au-delà. Alors, la méditation, c'est la pratique la plus courante en Asie. Et votre humble serviteur, je pratique la méditation depuis que je me suis introduit dans le yoga, c'est-à-dire depuis 1978. Donc, la méditation, c'est l'une des techniques d'ailleurs aujourd'hui qui m'ont permis d'avoir toutes mes facultés supérieures éveillées. Le don de télépathie, le don de télépsychie, c'est à cause de la méditation. Je crois que Moïse, qui a écrit dans la Bible que les chrétiens utilisent et que la plupart des hommes de recherche utilisent, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la définition, là, je l'aime bien. La définition de la méditation. Alors, écoutons un peu ce que dit ce monsieur. Que ce livre de la loi, que la Bible ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez là, méditez sur là, méditez sur cette Bible, méditez là, jour et nuit. Et c'est ainsi qu'en le faisant, premièrement, il explique lui-même, hein, tout ce que vous désirerez, vous l'aurez. Et c'est ainsi que vous appliquant, vous allez également appliquer les principes. Permettez-moi, parce que je ne veux rien inventer, que les gens ne me disent pas ici, là j'ai modifié ce que dit leur livre. Bon, c'est dommage que je me suis débarrassé avec ça, je ne sais pas là où j'ai laissé ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est-à-dire que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir conformément selon ce qui est écrit. Et que, en agissant conformément à ce qui est écrit, c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu voudras faire. Comment tu vas avoir du succès dans tes entreprises? C'est en méditant jour et nuit. Mais comment cela est possible pour les religieux qui disent que c'est diabolique? Mais parce qu'on vous a déjà défini ce que c'est la méditation. C'est l'élargissement de votre conscience qui est en vous. L'élargissement de votre conscience vous donne accès aux portes des impossibilités, aux portes plutôt des possibilités. Voyez-vous, c'est à travers la méditation que vous réussissez, que vous allez finalement franchir cette étape de la fusion avec le tout. Donc, votre âme individuelle va fusionner. Maintenant, quand la Bible dit « médite sur ces choses », médite que cette parole-là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite sur ça jour et nuit, afin d'y agir conformément selon ce qui est écrit, et c'est ainsi que toutes tes entreprises réussiront, et que ta vie et tous les succès que tu veux entreprendre, tout cela, tu auras du succès. Mais tout ceci, les conséquences de avoir succès, les entreprises qui vont réussir, les succès qui vont te poursuivre, comme le dit le psaume 23, que la paix et le bonheur te poursuivent tout au long de ton jour, de ta vie. Mais la paix et le bonheur ne peuvent pas vous poursuivre. Même David, dans le psaume numéro 1, il dit quoi? Que celui qui médite sur la parole de Dieu est comparé à un arbre planté à côté d'un ruisseau d'eau, car cet arbre ne va jamais, son feuillage ne flétrira point, ne manquera point d'être vert, car l'arbre, ses feuilles vont toujours être vert, vont toujours être nourries. Pourquoi? Parce que cet arbre est planté à côté du ruisseau d'eau. Mais il en est de même de la personne qui médite sur la parole de Dieu, qui médite sur la sagesse, qui médite sur les grandes révélations et les grandes vérités cosmiques et universelles. Je vais vous amener où? Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul en parle même à Timothée. Il lui dit, mon fils, tout ce qu'on te donne là, rien ne peut marcher si tu ne médites pas. Alors je te demande de méditer dans tout ce que je t'enseigne. Moi, je ne comprends pas pourquoi nos frères religieux vont dire que la méditation est diabolique. Voyez-vous? Or, dans les milieux religieux, ils négligent la méditation, ils relèguent ça au second plan en criant comme des fous au nom de Jésus et Célie, je ne suis pas contre. Or, ils ne savent pas que c'est par la méditation qu'ils peuvent rencontrer cet égrégore-là. Parce que je voulais toujours dire que Jésus, pour moi, ce n'est pas ce que les religieux vous enseignent, c'est autre chose. D'accord? Mais c'est une entité qui existe, une entité grégorique. Justement, pour aller à la rencontre de cette entité grégorique, il faut méditer. Pourquoi? Parce que la méditation, c'est l'ouverture de votre champ de conscience et qui vous permet d'ouvrir les grandes portes. N'est-ce pas? Des lumières de l'intelligence divine. Cela était très important. Visualisation. Bien sûr, il s'agit ici de la visualisation avec déplacement des consciences qui parfois, dans le monde de la parapsychologie où je suis, avec les autres collègues qui sont bien plongés dans la parapsychologie, il y a parfois une confusion. La visualisation avec déplacement des consciences ou projection de la conscience, c'est des expériences que nous faisons, mais les gens ont tendance à penser que c'est cela la bilocation. Non, pas du tout. C'est vrai que ça sème à confusion parce que en réalité, la visualisation avec déplacement des consciences, ça veut dire autre chose. Mais je vais d'abord expliquer terre à terre qu'est-ce que ça veut dire la visualisation. Visualisation vient du verbe visualiser. Visualiser veut dire créer des vues. Soyons clairs. Donc, créer des images. Alors, vous ne pouvez pas avoir les facultés supérieures si vous n'arrivez pas à créer des images. On vous demande à travers un livre. On vous a envoyé, par exemple, un livre de sciences magiques. On vous a envoyé le livre, par exemple, de l'invocation de la Kabbale. Le livre de la pratique kabbalistique. On vous a envoyé un grimoire où il y a plein de recettes de haute sorcellerie. Vous ne pouvez pas maîtriser cette technique-là si vous n'apprenez pas ces trois-là. Si vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle la concentration. Si vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle la méditation. Si vous ne maîtrisez pas la visualisation, parce que surtout la visualisation, visualiser veut dire créer des images. Et quand vous créez ces images, ce sont des images que vous créez afin que vous puissiez vous déplacer consciemment et obtenir ce que vous voulez. Je répète, visualiser veut dire créer des images. Vous créez vous-même l'image de ce que vous voulez être. Vous créez vous-même l'image de ce que vous voulez devenir. Vous créez vous-même l'image de ce que vous voulez avoir. C'est pour cela, je le voulais toujours dire, que quand vous avez atteint un certain niveau spirituel de par votre développement personnel, il va être facile pour vous de faire certains rituels. Parce que vous êtes déjà habitué. On va vous dire, représentez ce génie-là, ou représentez-vous cet archange de telle carrure physique, représentez la représentation physique de, par exemple, l'archange Michel. On le représente comment? Quelle est sa représentation physique? Mais si vous avez des problèmes au niveau de concentration et au niveau de la visualisation, vous allez vous embrouiller parce que vous pouvez aller visualiser un démon à la place de l'archange, mais Michel ou je ne sais pas trop qui. Là, je vous amène dans la pratique de la Kabbale. Dans la Kabbale, on vous dira que veuillez visualiser, représentez-vous. Voilà. Visualiser veut dire vous représentez une image. Se représenter une image. Créer une image. C'est cela la visualisation. Alors, pourquoi je dis Il vous faut maîtriser la technique de la visualisation avec déplacement des consciences. Mais parce que c'est le secret que nous, les initiés, nous utilisons pour, dans le domaine, par exemple, la talismanie pratique. Dans le domaine, parce que dans la magie, par exemple, dans la pratique de la talismanie pratique, on vous demande de rentrer en communion avec les entités de l'au-delà. Mais par quel moyen vous rentrez en contact avec eux? On nous dit en esprit. Mais quelle technique paranormale, quelle technique parapsychologique vous allez utiliser? Soit vous allez utiliser la visualisation, soit vous allez utiliser la concentration. Parce que, comme on le disait, il faudrait que vous ayez une netteté et une clarté de l'entité que vous voulez invoquer. Mais alors, j'ai créé quoi là? Mais c'est la concentration, parce que la concentration, c'est créer une netteté et une clarté de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez obtenir ou bien ce que vous voulez être. Donc, visualiser donc s'associe à la visualiser donc s'associe à se concentrer afin de pouvoir ici faire matérialiser ce que vous désirez. Vous comprenez? Donc, c'est des phénomènes qu'il faut également maîtriser, la visualisation. D'accord? La création. La création, c'est quoi? Parce que vous allez arriver à un niveau spirituel, on vous demandera à créer les choses. Par exemple, dans la talismanie, quand il s'agit de la pratique de la création de la magie, ce qu'on appelle les génies élémentaux ou les génies familiers. Mais il faut déjà maîtriser les trois là, précédents, avant la création. Là, nous sommes au quatrième élément qui permet de développer et d'éveiller vos facultés supérieures. Donc, il vous faut maîtriser la concentration. Il vous faut maîtriser la méditation. Il vous faut méditer, comment dirais-je, maîtriser la visualisation pour pouvoir être un bon créateur. Parce que quand vous arrivez, quand un opérateur arrive à créer, tout ce qu'il crée, c'est des mecs qui vous maîtrisent tout cela. Même s'ils vont vous, même s'ils ne vont pas, même s'ils n'ont pas été à une école de parapsychologie, mais d'une manière ou d'une autre, ils appliquent. C'est nous, il n'y a que nous en parapsychologie qu'on peut expliquer que voilà, la concentration, c'est ceci. Mais quand vous voyez bien les artistes là, mais ces artistes-là, quand ils ferment les yeux et tout, ils font quoi? Mais c'est une forme de concentration parce qu'ils veulent avoir une netteté, une clarté dans leur tête de ce qu'ils veulent dire et du chant qu'ils vont chanter. Donc, ils créent tout cela dans tout leur corps. Et par la méditation, c'est la même chose. Ils créent l'élargissement de leur champ de conscience afin que leur esprit, pour le cas des artistes par exemple, afin que leur esprit ait accès à la porte des lumières de l'intelligence supérieure. Mais ces portes de lumière, c'est qui? Mais ça peut être vos ancêtres. Sous couvert de la méditation, vos ancêtres peuvent avoir accès à vous. Voilà pourquoi les religieux disent non, non, non, méditer, c'est démoniaque parce que les démons vont rentrer. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, là, dans la création, création, c'est la faculté à tout opérateur spirituel magique de pouvoir rentrer en plein dans la créativité. Ah oui, le cas de la talismanie pratique, je vous ai dit, quand vous allez créer votre génie familier, je vous ai dit la dernière fois, la vie, la création de la vie d'un génie familier, c'est à base des élémentaux, des éléments de la vie. Vous avez certains arbres que vous allez découper, vous fabriquez votre boutique. Mais dès lors que vous allez le fabriquer, c'est vous qui créez. Vous le créez. C'est vous qui allez donner un nom. Vous le baptisez. Donc vous devez écrire également sa date de naissance. Mais c'est également vous qui allez le tuer. Vous devez mettre un terme à sa vie parce que quand il aura dépassé, je parle de ce génie-là, quand ce génie va dépasser 3 ans, c'est un monstre que vous allez créer. Ça devient comme un golem. Il va semer des scandales, des désordres dans les foyers des gens. Le boutique est là. La statuette, elle est là. Mais l'esprit, dans le plan invisible, a pris du poids et est devenu tellement dangereux que vous ne pouvez plus le maîtriser lorsque vous avez dépassé la troisième année de son anniversaire. Ce sont des règles d'or qu'on nous apprend dans la talismanie pratique, c'est-à-dire dans la technique de la création des talismans et de tout ce que vous voulez pour faire fonctionner l'univers à travers des réceptacles. Donc la création, c'est la quatrième étape. Maintenant, nous avons quelque chose que les gens ont des difficultés à pratiquer. Ça s'appelle le calme du mental. Oh là là. Et il y a souvent une confusion entre le calme du mental et la méditation. Je vous dis la vérité. Il y a une grande confusion. Les gens confondent le calme mental et la méditation. Mais effectivement, parce que quand vous méditez, il y a un champ, un élargissement de votre champ, mais je ne vous ai pas dit la suite. Il y a un défilé, il y a un flot d'images et que vous devez rester dans la stricte neutralité, absolument. Lorsque vous êtes en phase de méditation, vous ne devez penser à rien du tout. Vous restez dans un état de neutralité. Maintenant, s'ajoute ce phénomène de calme du mental. Souvent, le calme du mental, nous l'utilisons dans la pratique magique également. Parce que vous ne pouvez pas rentrer en communion avec une entité de l'au-delà quand vous pensez encore à la femme, quand vous pensez encore à votre travail. Hein? Parce que le calme du mental consiste pour vous, après plusieurs respirations, surtout trois respirations, c'est le minimum, et ça doit être des respirations abdominales. Donc, vous créez, d'abord, vous faites cette technique. C'est pour cela que je vous ai dit au début de mon introduction que vous aurez besoin du prêt. Pensée, respiration, énergie ou esprit est touché. Vous aurez besoin de ces bases pour pouvoir maîtriser toutes ces techniques que je suis en train de décrire. Alors, nous sommes où là? Nous sommes sur le calme mental. Le calme mental, ça veut dire quoi? Le calme mental consiste pour vous à laisser venir, à laisser les pensées qui viennent en vrac, sans pourtant vous permettre de vous concentrer et de vous attacher à ces pensées. Je répète, le calme mental consiste pour vous de laisser venir et de laisser défiler le flot de pensées. Et malheureusement, quand vous êtes au début de votre méditation, en réalité, vous devez, moi c'est ce que mon maître tibétain de yoga m'a dit, et mon maître tibétain de méditation m'a dit, oui, en réalité, pour mieux maîtriser votre méditation, c'est mieux de commencer par le calme du mental, parce que le calme du mental, c'est la technique la plus difficile à appliquer. Pourquoi? Je vous explique. Qui peut réussir trois respirations profondes? Et là, vous restez dans un état de stricte neutralité et vous devez laisser les pensées, le flot de pensées défiler, en vrac, hein, sans jamais vous y attacher à n'importe quelle pensée. Laissez, ça défile comme ça. Vous verrez, il y a même des images. Tout ce flot-là qui va passer en vrac, hein, et des fois ça vient vite, vite, vite, vite. Vous devez laisser ça jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle le ralentissement total de ce flot. Une fois toutes les pensées qui défilaient en vrac, et vous êtes là. Vous ne pensez à rien, mais vous restez dans la stricte neutralité. Donc, si il y a la pensée de M. Mugyaba qui pense prendre une arme à tirer sur le président, l'image va défiler en vous. Ne vous concentrez pas. Non, laissez ça. On vous dit bien que c'est de laisser les pensées là qui viennent en flot, en vrac. Et quand on dit les pensées qui viennent en vrac, c'est des milliers de pensées. Hein? Savez-vous que l'être humain a des millions de pensées par seconde? Enfin, moi, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais nous, on nous l'apprend en parapsychologie. Donc, 5 millions de pensées-là qui viennent, imaginez-vous, vous avez un grand travail à faire. Votre rôle à vous, c'est de dire, toi, tu me dis quoi? Suicide, pardon. Vous restez neutre. Et après, vous verrez que ce flot de pensées-là va commencer à se ralentir, ralentir, ralentir. Et ça va encore revenir en sursaut. Et puis, ça diminue, ça diminue. Vous restez là tranquille, sans être perturbé. Et cela prend des semaines hein, de pratique, des mois, voire même des années. Et quand vous serez habitué à le faire, vous verrez maintenant, à un moment donné, quand vous laissez ce flot de pensée là, ça vient en sursaut ou bien au ralenti. Après, zoom, ça ne dure que quelques secondes. Vous allez vous retrouver dans cet état de trou noir là. C'est-à-dire un moment... Vous n'existez plus. Voilà le calme mental. Vous allez arriver à l'état où vous n'existez plus. Vous ne vous sentez plus. Vous ne voyez rien. L'esprit n'est pas sorti. Non, non, non, non, non. Mais c'est cet instant-là, ce court espace de temps. Personnellement, je ne vous mens pas. Je n'arrive même pas encore à une minute. Et les grands maîtres qui sont vraiment avancés, celui qui va vous dire qu'il peut être dans le calme mental pendant 10 minutes, il a menti. C'est faux. Ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas. Parce que le calme mental, c'est l'état dans lequel vous vous retrouvez où vous n'êtes plus rien. Vous n'existez plus. Et quand vous n'existez plus, ça veut dire la vie n'existe plus. Le flot de pensée, tout, ça n'existe plus. Vous ne pouvez pas vivre sans ce flot de pensée. C'est impossible. Mais c'est cela, le calme du mental. D'accord? Mais exercez-vous à le faire. Il y a des grands maîtres qui réussissent à aller jusqu'à 5, 10 minutes. Alors là, c'est extraordinaire. Mais vous pouvez confondre cela. Mais par contre, en état transique, parce que le calme mental, justement, c'est ce calme mental qui vous permet, même si ça durait une seconde, de désormais vous faire posséder par l'esprit divin qui va prendre possession de vous. Et puis, voilà. C'est bon de faire cette expérience du vide, du calme mental. D'accord? Très important. Quand vous arrivez à cette étape, c'est très, très, très important. Alors, nous avons parlé de quoi? La concentration, la méditation, la visualisation avec déplacement de conscience, la création. Et là, je viens de parler du calme mental. Mais ce calme mental, je vous ai dit par erreur parfois, sème la confusion avec la méditation. Ceci étant donc pour vous dire, toutes ces facultés supérieures, elles s'obtiennent. Parce qu'en vous, vous avez ce qu'on appelle des pouvoirs endormis. Et c'est tout cela qui permet votre âme, votre esprit, qui permet vous, en tant que microcosme, d'aller à la rencontre du macrocosme. Mais en réalité, vous n'allez pas à sa rencontre, parce que le macrocosme, c'est cette universalité, c'est le tout. D'accord? C'est le tout, là, le zéro. Maintenant, du point de vue métaphysique et dans la numérologie, si vous maîtrisez toutes ces quatre étapes, parce que la cinquième étape, bon, c'est juste un petit détail, mais en réalité, un véritable mage, un véritable sorcier doit maîtriser tous ces quatre éléments-là. Parce que c'est cela qui vous permet d'éveiller vos facultés supérieures. Ah oui, quand vous méditez régulièrement, vous vous concentrez tout le temps, méditez régulièrement, créez des visualisations et vous créez. Mais la création et la visualisation, mais c'est ça qui vous permet de vous projeter dans l'astral consciemment. Maintenant, je vous dis d'ailleurs que quand vous aurez maîtrisé tout cela, c'est cela qui vous permet de, à travers maintenant la respiration et tout cela et les ascèses, vous allez maintenant sortir de vous. Que ce soit en train de dormir sur votre lit la nuit, que ce soit la journée. Moi, je biloque la journée parfois. Oui, je peux être là avec vous et quelqu'un va me voir à Mimvoul. Quelqu'un peut me voir également à Congo, dans le Fer Navas. Je vous ai parlé de ça. C'est ce qu'on appelle la bilocation par téléportation volontaire. Bilocation volontaire par téléportation. Donc, je me téléporte. Mais je suis avec vous ici. Mais cela est possible, c'est par la maîtrise de ces quatre éléments. La concentration, la méditation, la visualisation, la création. Alors, vous aurez tout compris. Maintenant, quand vous aurez maîtrisé toutes ces choses qui rentrent dans le cadre du développement personnel, qui rentrent dans le cadre de ce que j'appelle l'initiation douce, alors, cela va vous permettre d'avoir accès à d'autres mondes. C'est ainsi que c'est la maîtrise de tous ces pouvoirs paranormaux-là qui vont vous faciliter finalement l'entrée dans l'initiation forte. C'est la maîtrise de toutes ces histoires-là que je viens de vous décrire qui vont vous permettre, par exemple, de facilement passer votre initiation du Bouti. C'est pour cela que moi, je n'ai pas eu de problème. Quand j'allais manger mon bois sacré, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Ils sont obligés de passer deux fois, trois fois, quatre fois, mais parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, parce qu'ils n'ont pas créé le vide du mental, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de méditer. Parce que leur esprit est tellement attaché aux terrestrités et aux distractions. Il y a trop de distractions, que ce soit positives ou négatives. Il y a trop d'empoisonnement, il y a trop de poisons dans leur tête. Donc, ces méthodes-là de la parapsychologie, d'éveil des facultés supérieures, ont pour objectif de justement nettoyer votre aura, nettoyer vos corps subtils, le corps mental, le corps éthérique, le corps astral, hein, le corps, qu'en sais-je encore, le corps énergétique, afin de créer une ouverture directe de vos chakras et une connexion d'avec les génies et les dieux. Mais c'est pour cela qu'on vous dit que ce sont des facultés supérieures. Pourquoi on dit facultés supérieures? Mais ces facultés supérieures, quand vous allez vous concentrer, quand vous allez visualiser tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais désormais vous aurez les yeux d'en haut. Les yeux d'en haut, c'est quoi? Les yeux du vampire. Mais les yeux du vampire, c'est quoi? Mais vous avez dit, mais moi, mon frère, je te regarde là, je te vois, hein, je te vois. Oh là là, je vois ton grand-père. Mais quand vous dites, vous voyez, ce n'est pas avec les yeux physiques. C'est maintenant vos yeux mystiques qui voient. Je sens quelque chose. Oh là là, mais là là. Mais la personne est partie en esprit. Ce que moi, j'utilisais quand j'étais le secrétaire général adjoint et le chargé de recrutement de la scientologie. En scientologie, on appelle ça la diététique. Je vous ai montré tous mes diplômes là, toutes ces histoires de la diététique là. Hein? C'est cela. Parce que quand vous faites les voilà, c'est ça. Quand vous faites ces histoires de la scientologie à travers la méthode de la dianétique, mais justement, vous voyagez dans l'espace et le temps pour vous permettre de balayer tous les mauvais souvenirs. Mais vous ne pouvez pas avoir accès, vous ne pouvez pas vous initier correctement parce que vous avez encore ces engrammes-là. Voilà, c'est la terminologie que nous utilisons en scientologie. Ça s'appelle des engrammes. Nous, en parapsychologie, on appelle ça des poisons. Donc, c'est par la maîtrise de ces pouvoirs paranormaux-là que il vous est désormais facile de rentrer dans le monde du royaume des dieux, de rentrer dans le monde des initiations, que ce soit les magies cérémoniales. Ce sera facile parce que vous avez déjà maîtrisé votre corps, vous avez maîtrisé vos facultés supérieures, vous avez désormais créé cette connexion naturelle. Moi, quand je vous dis que mes ancêtres se soumettent à mes caprices, les entités se soumettent à mes caprices, certains m'ont giflé, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus me gifler. Les démons se soumettent. Mais parce que toutes mes facultés supérieures sont déjà éveillées. Donc, mon esprit est naturellement déjà éveillé. Le reste, c'est juste de la manipulation et de la maîtrise. Donc, conclure sur ce, que la maîtrise de vos pouvoirs paranormaux, quand vous pratiquez régulièrement avec un calendrier bien rangé, va vous permettre et va vous faciliter les initiations maintenant qu'on appelle, que moi j'appelle initiation forte. Vous n'aurez plus peur. Aucun démon ne vous fera peur. Donc, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. La question est la suivante. Mais dans ce cas, mes frères religieux, pourquoi démoniser la parapsychologie alors? Pourquoi vous avez cette tendance à démoniser la parapsychologie? Alors que dans la même Bible, on dit méditer, c'est bon. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Que ce soit dans le Coran, il est question de la méditation. Il est question de la concentration quand il s'agit du soufisme, la chambre secrète de l'islam, pour comprendre l'applicabilité des sourates du Coran d'un point de vue mystique et métaphysique pour la guérison, le bonheur et l'équilibre total de tout être humain. Car en effet, l'homme a la faculté de vivre et des connaissances exotériques et des connaissances ésotériques. Donc, du discours révélé par le pasteur ou l'imam, et ensuite de la compréhension métaphysique de la Bible afin de pouvoir entrer en communion avec Dieu. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. En moins d'une heure, merci beaucoup, j'ai fini. Et je vais vous faire un cadeau. Le cadeau, du moins, retenez cela. Pourquoi? Parce que nous avons parlé de toutes ces connaissances-là. Mais il y a aussi des plantes qui vous aident à éveiller vos facultés. Est-ce que vous le saviez? La plante donc que je vais vous révéler aujourd'hui s'appelle le basilic. La plante appelée basilic. Donc cette plante basilic, elle travaille généralement avec trois éléments très importants: eau, feu et air. Je répète, eau, feu et air, ce sont les éléments prédominants dans cette plante qu'on appelle la basilic. Et qu'est-ce qu'elle vous favorise lorsque vous allez la consommer? Elle peut se consommer, elle peut être bouillie. Vous buvez cette eau-là. Qu'est-ce qu'elle favorise? Hein? Elle vous permet de lire les pensées des gens. Basilic. Elle vous permet de lire les pensées des gens. Elle vous donne le don de prophétie. Elle vous donne le don, cette plante, bien sûr, basilic. Elle vous donne le don de vous projeter astralement quand vous consommez ça. Même inconsciemment comme ça, vous allez voir comment vous allez sortir de votre corps. Voilà la plante que je vous donne au cours de cet enseignement. Désormais, je ferai l'effort chaque jour de vous donner une plante quelconque. Mais la plante d'aujourd'hui, retenez le nom, ça s'appelle le basilic. D'accord? Elle existe, il y en a plein en France. Chez nous en Afrique, au Gabon, il y en a. Au Congo, il y en a. Ici aux États-Unis, il y en a. Cherchez à avoir cela. Mais c'est de préférence l'avoir fraîche. De temps en temps dans vos aliments, mettez du basilic. Ça s'achète dans n'importe quel magasin. Vous allez mettre ça avec du poisson ou de la viande. Mais souvent, je recommande de prendre le thé basilic. Vous faites bouillir cela. Avant tout travail mystique, avant tout travail métaphysique, avant tout travail de l'éveil de vos, qu'on appelle ça, de vos facultés supérieures, faites un thé de basilic, à base du basilic. Et comme ça, quand vous allez boire ça, eh bien, ça nettoie vos chakras, ça renforce vos pouvoirs psychiques et ensuite, ça vous connecte, ça permet votre âme de se booster. Voilà, c'est la plante du jour. Retenez bien, ça s'appelle basilic. Maintenant, si vous avez des questions, je vais pouvoir les lire sur l'écran et puis on se sépare. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Avant de tirer ma conclusion. Ok, c'est très bon. Donc, apparemment, il n'y a pas de questions. Je vais donc tirer ma conclusion. La maîtrise, donc, la compréhension, d'abord, un, la compréhension de ce que je venais de dire est très importante. D'abord, dans la vie, pour devenir quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire la magie. Il faut comprendre que dans la vie, il faut toujours réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Mais le verbe réfléchir englobe à la fois la concentration, la méditation, la visualisation. Vous êtes là assis. Oh, mon frère, à quoi penses-tu? J'ai réfléchi. Mais quand vous réfléchissez, remarquez bien que dans votre réflexion, il y a des images que vous créez. Il y a des résolutions que vous devez prendre. Et vous voulez le calme. Vous voulez le calme absolu parce que vous êtes en train de réfléchir. Vous ne voulez pas être dérangé. Donc, dans votre vie quotidienne, choisissez un lieu calme. Vous êtes un père de famille. Au sein de votre maison, si vous avez les moyens, un homme doit toujours avoir une chambre à lui seul où il doit méditer et faire ses travaux. C'est très important. Il doit toujours avoir une chambre seule où il doit réfléchir. Si vous avez les moyens, créez deux salons dans votre maison. Un salon où n'importe qui vient, vous recevez la famille, vous êtes avec la famille là-bas, voyez-vous. Et un autre salon qui est réservé, j'ai même vu des gens qui ont droit, qui est réservé uniquement aux personnes qui sont dans votre monde, des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Et ce salon-là, c'est là-bas où vous méditez, vous réfléchissez, c'est là-bas où vous trouvez des solutions, c'est là-bas où vous faites vos travaux de consultation et autres. C'est un salon à part, qui n'a rien à voir avec le temple. Là, c'est ceux qui ont les moyens. Mais si vous n'avez pas les moyens, créez-vous de l'espace dans votre vie. C'est important. Même dans votre véhicule, avant de démarrer votre voiture, sauf s'il fait froid. Même s'il fait froid, vous faites le préchauffage. Et quand vous avez fini de faire le préchauffage, la voiture est suffisamment chauffée, préchauffée. Maintenant, vous asseyez, vous faites vos respirations. Vous respirez trois fois. Les respirations abdominales, que j'appelle les respirations animales. Et une fois que vous avez fini de faire ces respirations, eh bien, vous créez votre vide autour de vous. Et quand vous créez le vide, vous essayez de vous concentrer. Toujours écrire, prendre une liste de ce que vous devez faire avant de sortir de votre maison. On ne sort pas comme un animal. On ne sort jamais comme ça. Donc, vous faites une liste. D'accord? Et chaque fois que vous allez avoir l'habitude de faire ceci, vous faites la liste. Vous vous asseyez. Vous projetez dans l'espace et le temps. Vous savez, le magasin, vous irez. Maintenant, vous faites ce qu'on appelle la visualisation avec projection de conscience. La visualisation avec projection de conscience veut dire quoi? Je vais au magasin Score et j'aimerais que quand je parte là-bas, vous vous visualisez, vous vous voyez en train de marcher. Les gens vous accueillent, les gens vous disent bonjour, les gens sont soumis. Vous avez un impact positif sur eux. Et quand vous allez là-bas, il n'est pas question qu'il y ait un accident. Il n'est pas question que quelqu'un vous agresse. Pardonnez-moi. C'est cela. Et ça revient maintenant dans la magie, dans la pratique magique de l'initiation forte. Il existe une technique qu'on appelle comment se mettre à l'écoute des signes de maître. Mais quand vous allez appliquer vos techniques de visualisation, mais c'est une forme, c'est de là où vous allez maintenant vous mettre à l'écoute des signes de maître. Parce que vous vous visualisez avec projection de votre conscience dans l'espace et le temps, à l'endroit où vous voulez vous y rendre. Voyez-vous, vous émettez donc tous vos vœux et vos souhaits pour que tout se passe très bien pour vous. Mais pendant ce temps, eh bien, vous revenez vers vous et puis vous vous concentrez à l'intérieur et de l'intérieur maintenant, vous dites, je suis à votre disposition. Oh, vous, les grands maîtres invisibles, vous, les maîtres invisibles, grands maîtres de nous, mon destin, parce que c'est vous qui guidez ma vie. Teta Mwanga, donc Dieu, par pouvoir délégatoire, vous a désigné d'être là autour de nous. Et de ceci, il y a les ancêtres également. Pour ceux qui sont au niveau de l'échelle un peu plus bas, eh bien, vous vous concentrez sur vos ancêtres. Voilà, je veux me déplacer à tel endroit. Ouvrez-moi la route. Ouvrez-moi la route. Ouvrez-moi la route. Ou bien vous adressez à Dieu seul. Vous lui dites, Seigneur, ouvre le chemin. Ouvre le chemin. Et puis vous attendez. Restez là. Avant 2 minutes, il y a un signe qui va se manifester. C'est ce qu'on appelle se mettre à l'écoute des signes. Soit votre téléphone va sonner, quelqu'un qui va vous appeler. Ça, c'est une distraction en vue de sauver votre vie. Oh, mais pardon, toi, si, mais parle vite, moi, je m'en vais à Score. Non, ce n'est pas encore fini. S'il te plaît, il y a tel problème, il y a ceci, cela. Hé, hey, toi aussi, mais vous commencez à regarder la montre, vous êtes maintenant impatient, mais lui aussi, il va arrêter de parler quand, mon Dieu. Dès qu'elle finit de parler, voilà, l'enfant qui vient, maman, vous frappez la porte, oh, Nyambie, moi, je vais maintenant arriver en retard. Eh bien, vous comptez très bien, ça vous a fait 10 à 15 minutes, et quand vous allez vous déplacer, vous partez comme ça là, vous voyez devant vous un accident grave. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a eu un accident mortel. Oh. Après, vous allez maintenant penser, oh mon Dieu, mais j'ai eu la grâce de Dieu. Oh, mais c'est exactement l'heure que moi j'allais venir là. Le train est venu donc buter les gens. Ah, Nyambi, merci, oh, Tati Nyambi, Atinza, merci. Mais ça s'appelle une prise de conscience, on appelle ça comment? Une écoute des signes des maîtres invisibles de manière inconsciente. Mais quand vous allez avoir l'habitude de pratiquer ça, ça va loin. Moi, c'est la lourdeur du corps parfois. Ça dépend. Ça, c'est de diverses manières. Vous sentez le corps qui devient lourd. Oh. Mais pourtant, vous êtes excité, vous avez pris votre bain. Oh, yayo, je veux voir le gars là. Hii. Encore, il est beau, hein, musclé, élégant. Mais après, boum, le poids commence à vous habiter. Oh, c'est comment? Le poids commence à vous habiter. Vous appelez le gars. Victor, le téléphone, il ne décroche pas. Oh, Victor, vous envoyez le message. Victor ne vous répond pas. Ah, mais pourtant, on avait rendez-vous, mon Dieu, c'est quoi cette affaire? Laissez, n'insistez pas. N'insistez pas. Donc, cet exemple que je vous prends, eh bien, vous pouvez le développer. Ça va devenir un comportement naturel à une condition que vous appliquez les 4 là, que vous commenciez à pratiquer les 4 phénomènes de parapsychologie là. Apprendre à vous concentrer. Il n'y a pas d'heure. La concentration n'a pas d'heure. Parce que je vois déjà des gens qui veulent poser la question, mais quant aux heures, y a-t-il des heures pour se concentrer? Non. Mais par contre, la méditation, oui. C'est différent. Pourquoi? Parce que la méditation, n'oubliez pas, c'est l'ouverture de votre champ de conscience avec possibilité d'ouverture des portes, des lumières, de l'intelligence sublime et supérieure. Et ça, vous avez besoin d'un cadre précis, vous avez besoin d'un temps, vous avez besoin d'un lieu. Est-il possible de méditer dans votre véhicule? Oui. Moi, je le fais de temps en temps. Mais rassurez-vous que vous garez dans un lieu qui est calme, où il n'y a pas le bruit, et vous accompagnez cela de la musique. Vous mettez la musique classique. Moi, par exemple, je mets la musique de Mozart, de Beethoven, de Bach, et bien d'autres que je connaisse, ou bien de Vivaldi. Et ainsi de suite, je mets. Je vous dis, vous verrez les merveilles. D'accord? Donc, conclusion. Quelle importance y a-t-il donc de pouvoir ici mettre en application tous ces de mettre en application tous ces pouvoirs paranormaux dans nos vies? Quelle est l'importance alors d'apprendre cela? Ben, l'important, c'est que pour vous qui êtes religieux, ça va renforcer votre relation avec Dieu. Je vous dis, je l'ai fait quand je pratiquais à plein temps mon culte des témoins de Jéhovah. Je le faisais. Et ça, ils n'ont pas eu de problème pour cela. C'est vrai qu'ils ont commencé à dire, oh, toi, tu médites trop, ce n'est pas bon. Sur de suite, j'ai dit, allez-y lire Josué chapitre 1, verset 8. Oh, que ce livre de la loi, oh, que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit et ainsi agis conformément selon ce qui est écrit. Car lorsque tu vas agir, méditer et que tu agis conformément selon ce qui est écrit, tu verras que, un, tu auras du succès dans ta vie. Deux, tout ce que tu vas pouvoir entreprendre, ça va marcher. Trois, eh bien, vous partez dans le psaume numéro 1, verset 1 à 3. Celui qui médite régulièrement, celui qui a l'habitude de méditer, est comparé à un arbre qui est planté auprès d'un ruisseau, car son feuillage ne flétrit point, son feuillage ne va jamais sécher. Le feuillage va être toujours vert, 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que vous avez une source d'énergie. Mais cette source d'énergie, pour vous qui méditez, car votre champ de conscience s'ouvre, votre esprit se connecte avec le tout, mais le tout veut dire quoi? Avec les dieux, avec les génies, avec vos ancêtres, et c'est de là que vous recevez même beaucoup d'inspiration. D'accord? Ça, je m'adresse à mes frères religieux. Maintenant, vous qui êtes des mystiques, des initiés comme nous autres, mais au contraire, la méditation doit devenir une habitude pour vous. Je ne veux pas vous dire les heures, car il y a plus de 10 vidéos où je ne fais que répéter les heures là, de méditation. Il y en a 4 heures principales. Maintenant, si vous voulez méditer au-delà de ces 4 heures-là, vous êtes plus que libre. Mais les meilleures heures de méditation, souvent, c'est minuit 00 et également à midi 00. Ce sont ces heures-là qui sont très, très à ne pas oublier du tout. Vous pouvez oublier 15 heures, il n'y a pas de problème. Vous pouvez oublier 18 heures, il n'y a pas de problème. Mais les deux heures-là, minuit et midi, ce sont les grandes heures de méditation. La visualisation également demande des heures précises parce que ça demande le calme. D'accord? La création, c'est au cours, par exemple, des projets que vous voulez réaliser. Vous êtes assis avec votre femme, votre mari, vous avez un projet, mais avant d'aller discuter, ben vous créez ce projet-là. Et quand vous le créez, il faut le précéder d'abord des techniques de concentration. Vous allez vous concentrer sur quoi vous allez parler. Ferme. Bon, dans la ferme, là, on va faire quoi? Une ferme, on va élever quoi? Des vaches ou bien des porcs? Et ainsi de suite. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, vous rentrez donc dans une phase de visualisation avec projection de votre conscience. Maintenant, la visualisation avec projet de conscience, avec projection de la conscience veut dire quoi? Vous êtes donc rentré dans cette phase d'attirer maintenant vers vous les investisseurs, d'attirer vers vous les gens qui peuvent vous amener quelque chose de bon, d'attirer vers vous, même si vous n'avez pas l'argent, d'attirer vers vous même les billets d'argent. C'est pour cela la visualisation, c'est la technique souvent que j'utilise et que je recommande à tout le monde d'utiliser dans la technique d'attirance de l'argent. Vous pouvez attirer l'argent sans avoir un portefeuille. Vous prenez un billet, par exemple, de 500 euros ou bien un billet de 100 dollars et que vous mettez devant vous, vous respirez trois fois, d'accord? Trois fois, vous vous concentrez et après, vous passez sous couvert maintenant de la méditation. Ouverture de champ de conscience. Vous restez là, l'argent est toujours là. Et puis là, boum! Vous partez maintenant vers la visualisation. Et dans la visualisation, c'est quoi? Vous créez les images. Et quand vous créez les images, c'est que vous avez maintenant le billet de 100 dollars là que vous faites défiler sur votre tête. Et alors, vous faites une prière intérieure qui s'appelle la connexion de mon esprit avec l'esprit de l'argent. Parce que l'argent est un esprit. Je m'explique. Ce que nous, dans le langage mystico-spirituel et religion, on dit esprit, mais ça s'appelle l'énergie. Donc, vous faites tout pour que votre énergie se connecte avec l'énergie de l'argent. L'argent a une énergie. Oui, dans le monde des correspondances, l'argent a une énergie. C'est le secret que la plupart des milliardaires utilisent. L'argent appelle l'argent. Donc, vous avez le vrai billet devant vous et de ce vrai billet que vous avez, soit dans le plan physique ou bien dans le plan mental, vous avez le billet en permanence avec vous. Partout où vous passez, boum, vous créez cette visualisation. Le reste, ce sera au cours des séminaires que je vous donnerai. C'est un secret très puissant et qui marche très bien. C'est une technique qu'on utilise et vous tapez votre main vers votre cœur et vous dites une phrase. Ça, je ne veux pas le dire ici en public. Voilà comment vous allez au fur et à mesure attirer tout ce que vous désirez. Donc, par la visualisation, vous pouvez devenir un bon entrepreneur. Par la visualisation, je vous informe que je fais du coaching auprès des entrepreneurs, c'est parce que je ne fais pas de bruit. Et c'est avec ça. les techniques de visualisation que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'étudiants ont réussi brillamment dans leur vie. C'est la technique de visualisation. D'accord? Bien sûr, la technique de création, peu de gens l'utilisent. Mais ça, c'est à un niveau avancé. Oh là là. Je crois que je dois prendre ma retraite anticipée et aller faire ce genre de choses là-bas en Afrique. Dans les pays tels que le Congo, Congo Kinshasa, le Nigeria. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Il faut viser les grandes populations. Ce genre de trucs-là marche très bien. Je connais un ami américain. On a suivi la même école, les mêmes formations, les mêmes certificats. Aujourd'hui, il est milliardaire. Moi, je ne cherche pas les milliards. Moi, c'est juste parce que c'est un don chez moi. Bref, voilà comment ça se passe. Donc, la conclusion, c'est celle-là. Ces quatre éléments-là, quand vous allez les maîtriser, ben, vous verrez que vous serez capable de maîtriser finalement ce que j'ai appelé l'initiation forte, c'est-à-dire les initiations telles que le Bouti, le Nyembi, le Nzobi, l'initiation du Fa, l'initiation du Vaudou. En un mot, vous n'aurez plus peur parce que vous savez ce que c'est créer des images. Et même quand vous aurez l'habitude, j'ai oublié de vous parler du dernier point, le don de prophétie. Le don de prophétie vient par l'application de tous les quatre éléments-là que je vous ai cités. C'est tout. Ce n'est pas un esprit qui va apparaître et dire à partir d'aujourd'hui, là, tu vas maintenant parler à mon nom. Non, non, non, non. Le don de prophétie, c'est tout simplement le résultat de l'ouverture de tous vos pouvoirs qu'on appelle les pouvoirs, les facultés supérieures. Une fois toutes vos facultés supérieures sont développées et enclenchées ou déclenchées, ben voilà, le don de prophétie vient. Mais le don de prophétie, c'est quoi? Mais c'est la faculté de lire les pensées des gens. C'est la faculté d'avoir des informations dans l'espace et le temps, 10 ans, 100 ans en avance, voire 1000 ans. C'est cela le don de prophétie. Mais les gens pensent que pour le don de prophétie, il faut aller à une église, il faut aller dans une religion. C'est faux. Le don de prophétie, les gens deviennent des prophètes. Mais maintenant, je vois des mamans, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui courent. Ils ont eu le don de prophétie, mais ils vont à une église. Mais c'est une erreur grave parce que ce don-là peut s'éteindre. Parce que vous allez maintenant dire parfois des bêtises. Vous allez maintenant parler d'histoire politique. Le don de prophétie n'a rien à foutre avec ces politiciens, surtout quand vous êtes dans la religion. Mais lorsque vous êtes neutre, vous n'êtes pas quelqu'un qui appartient à une religion et que vous avez des dons de prophétie, là, en ce moment, vous pouvez dire tout ce que vous pensez, pas ce que vous pensez, tout ce que vous recevez comme information. Parce que je vous informe que le prophète, voilà comment ça marche. Le prophète reçoit des murmures. Pardonnez-moi. Là, par exemple, il y a déjà des murmures à mon oreille. D'accord? Je suis en train de recevoir des murmures. Là, quand on va finir, je vais me concentrer et puis je vais entendre les voix. Ils vont réellement me parler. Alors, je suis en psychiatrie, imaginez-vous. J'ose dire une chose pareille devant mon médecin-chef, psychiatre. Il va dire, what? You hearing voices now, Guy? Something wrong with you, man. You need to get some meds or something. Or you need to talk to somebody. Because those symptoms of hearing voices, something. Ils vont commencer à me poser mille et une questions. Est-ce que tu fumes le chanvre? Je ne fume pas le chanvre. Est-ce que tu... Non. Or, c'est des facultés supérieures qui s'ouvrent. Lorsque vous avez l'habitude de souvent écouter les messages des maîtres, par sous couvert de la méditation, sous couvert de la visualisation, sous couvert de la création et surtout du calme du mental, lorsque vous laissez le flot des pensées défiler sans vous y attacher à quoi que ce soit, c'est là que vous devenez quelqu'un de très dangereux dans la société et vous devenez un prophète parce que le prophète, c'est celui qui est capable, je répète, de lire les pensées des gens. Il est capable de ressentir les événements à distance. Il est capable de recevoir des vibrations des auras des gens. Il est capable de ressentir des dangers. Il est capable de prédire des événements et même parler des événements qui se sont passés il y a 1000 ans. Il est capable de parler du passé, de parler du futur et de parler de maintenant. Il est capable de ressentir et être un bon conseiller normalement parce que la plupart des prophètes, c'était quoi? C'était des hommes politiques en fait. C'était des conseillers des rois. Vérifiez bien. Nathan était le prophète de qui? C'était pas le prophète de David. Jérémie était prophète de qui? Mais tous les rois là, ils avaient des prophètes. En réalité, le prophète, c'est ce qu'on peut appeler de nos jours un conseiller politique. Ou bien, j'ai vu un nouveau titre là maintenant au Gabon. Haut commissaire ou des commissaires. Les commissaires, c'est qui? Les hauts commissaires, c'est parce que bon, c'est simplement des mots. Parce que quand vous consultez le dictionnaire, commissaire, mais c'est quelqu'un qui va parler au nom du chef, au nom du roi. Et il est capable de rapporter, amener les rapports auprès du roi, donc auprès du président de la République. Par exemple, les commissaires là que vous voyez au Gabon, eh bien, ils ont un rôle très important. Hein? C'est seulement la déontologie linguistique qui change là. Mais sinon, c'est des conseillers. Désormais, vous ne verrez plus haut conseiller du président de la République comme à l'époque du vieux Omar. Ça, je parle de mon pays, le Gabon, que je maîtrise mieux. Donc, le commissaire, le haut conseiller, c'est aussi un prophète. Ce n'est pas n'importe qui qu'on prend comme conseiller. C'est des mecs qui ont l'esprit éveillé, qui savent. Hein? Arrêtez de les traiter de tocards, seulement parce que quoi, ils ont beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir. C'est des hommes sages, en réalité. Ne peut être autour du président que ces mecs-là. Ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Depuis les temps anciens, les rois avaient toujours ça. Mais sauf qu'à l'époque des rois, on les appelait des prophètes. Donc, voyez-vous, j'ai découpé ou encore défini le mot prophète selon l'espace et le temps et selon les temps. Dans les temps anciens, un prophète, c'est quelqu'un qui était habillé, je ne sais pas, on le voyait comme un fou en train de crier « Oh, yeah, Dieu m'a parlé, ceci, cela. » Mais de nos jours, il y a des gens qui font ça comme ça parce qu'ils sont conformés à la Bible. Mais en réalité, le vrai prophète, ce n'est pas nécessairement comme je vois dans les églises. C'est que le prophète, c'est celui qui donne des consignes. Et il les donne, non pas de lui, il reçoit des intuitions. Il a une intuition trop avancée. Il reçoit des révélations. Voyez-vous? Il n'est pas forcément marabout. Non. Il n'est pas forcément pasteur. Donc, pour être, je le répète, commissaire ou haut commissaire auprès du chef de l'État. Bon, il n'y a pas que le Gabon, hein, je vous informe. J'ai été dans certains pays, par exemple au Rwanda, ils ont des hauts commissaires. Le président rwandais a des hauts commissaires. Mais quand j'ai discuté avec certains d'entre eux, mais la plupart, ils ont un certain âge. Hein? Ils ont la tranche de nos âges, là. C'est-à-dire qu'entre 60, 70 ans, 80 ans, ça, c'est des mecs qui connaissent la vie. Ils ont beaucoup développé. Bref, pardonnez-moi, ça ne dévie pas du cadre, mais c'est juste pour vous dire que lorsque vous allez développer toutes ces quatre facultés-là et que vos facultés supérieures se mettent en éveil, vous aurez le don de prophétie. Ça faisait partie de mon enseignement, c'est parce que j'ai oublié. Le don de prophétie, c'est tout simplement la conséquence de l'application de tout ce que je vous ai dit là. Quand vous pratiquez constamment la concentration, la visualisation, la méditation, le calme du mental, toujours dans un état d'isolement psychique, et d'isolement physique, vous vous isolez psychiquement et physiquement, c'est-à-dire, vous choisissez des heures où vous devez être seul, et tout. Oh, mais vous verrez, vous allez commencer à vivre le phénomène que je vis là, les bourdonnements d'oreilles. Et après, quand je vais m'isoler, ils vont me parler, ils vont me dire. Et quand ils me disent, j'écris. Et ça, c'est des choses que je ne vais jamais vous en parler ici là. Et puis, si ça concerne quelqu'un, par exemple, qui m'a confié un problème au Gabon, qui m'a confié un problème, je ne sais pas où, au Congo, eh bien, je vais lui dire. C'est comme cela. Hein? Je n'ai pas eu besoin de commander une magie. Ce n'est pas la magie cérémonielle. La magie cérémonielle, la magie noire, les grimoires, les mamiwata, les portefeuilles, tout ça là, ce sont des éléments de la nature que vous allez profiter et utiliser. Mais les facultés mentales, les facultés supérieures, ça c'est vous, c'est en vous. Ce n'est pas un esprit. Je vous ai dit que lui, je vous ai donné la plante, non? Ça s'appelle comment? Basilic. Est-ce que vous savez que la basilic éveille vos pouvoirs psychiques? Consommez régulièrement l'eau de la basilic. Moi, je vous parle parce que je l'utilise depuis près de 30 ans. Ah oui. Il y a des moments même le soir, si vous le consommez à sec, ventre à sec, vous buvez, vous prenez l'eau de la basilic, vous verrez. Vous allez faire des rêves extraordinaires. Mais ça, c'est Teta Mwanga. C'est comme ça qu'il a créé ça. D'accord? Donc, il y a la basilic, mais je vais vous donner, je vous ai dit chaque jour, j'ai promis. Il y a des milliers de plantes que je vais vous désormais, chaque jour, je vais vous donner une plante. Sa faculté, son rôle dans votre corps, ce que vous devez ajouter sur votre bouillon, sur votre soupe. C'est cela. C'est ce qu'on appelle une manière naturelle, c'est ce que moi j'appelle donc l'initiation douce. Voyez-vous? C'est cela, le développement de soi, la connaissance de soi. Quand vous connaissez vous-même et que vous connaissez la mère nature, mais n'est-ce pas, il est dit quelque part, non? Je le répète tous les jours. Connais-toi toi-même, alors les dieux vont se révéler en toi. Mais quand tu te connais toi-même, le connais-toi toi-même, c'est à travers la concentration, la méditation, la visualisation, la création et le vide du mental ou bien le calme du mental avec conséquence. Vous êtes devenu un magicien, vous êtes devenu un mage. Tous les mages que vous voyez là, que ce soit Elena Petrovna Blavatsky, que ce soit Rasputin, que ce soit Poutine, que ce soit je ne sais pas trop qui, Tous ces mecs-là, ils ont développé leurs facultés depuis le jeune âge. Je vous donne un exemple. Les pays de l'Est, là, la Géorgie, la Tchécoslovaquie, la Russie, c'est le pays qui bat le record au monde des grandes écoles mystiques, des sciences occultes et de l'éveil des facultés supérieures. C'est connu de tout le monde. Mikhaïl Ivanov, que vous dites là, Ivanov, vous savez où il vient? Mais il vient de l'Europe de l'Est avant d'aller s'installer. S'il est allé s'installer en France, mais c'était à cause de l'histoire de... Comment s'appelait ce type-là, l'Oresh, qui était là aussi, dans la zone de la Russie. C'était à cause de ça. Donc, la plupart des pouvoirs, des gens qui ont eu des pouvoirs, venaient de l'Europe de l'Est, là-bas. Parce qu'ils ont compris cela. Mais je vous dis, les Américains, ils ont créé les grandes écoles. Hein? À mon ouverture, je vous ai dit quoi? Je vous ai parlé du feu Patrick Gamandon. Mais il a parlé de ça. Oh, c'est en Californie. Mais je fais mes recherches quand je suis arrivé ici. Je découvre que le fondateur était russe. Les premiers à avoir utilisé les facultés psychiques pour pouvoir espionner les Américains. Les Américains se demandaient, mais maudit, moi je suis caché sous le sous-marin là. Comment ces mecs-là savent? Mais parce que ils avaient un prisonnier russe là-bas, mais ce prisonnier russe avait développé les pouvoirs psy, c'est-à-dire de télépathie et de télépsychie. Et je vous ai dit que ça se développe au bout de 6 mois. Vous êtes capable de lire les pensées de quelqu'un, vous êtes capable de communiquer avec ceux qui ont des relations à distance là. Vous communiquez avec votre mari, il est là-bas au Gabon. Vous communiquez avec lui tranquille, vous ouvrez votre esprit, vous fixez l'heure et vous parlez. Il n'y a rien de complexe, il n'y a rien de sorcier. Voyez-vous, c'est ça le don de prophétie aussi. Le don de prophétie aussi, c'était celui qui consistait au roi. Je m'en souviens une scène où le prophète Nathan a parlé au roi David alors qu'il était loin. Il lui a dit, voilà, le Seigneur dit. Il a dit quoi? Mais il lui parlait à distance. Mais c'est ça la télépathie, la télépsychie. Parce qu'il y avait une complicité entre le roi et le prophète. Et quand vous avez une complicité entre monsieur et madame, entre votre fils et vous, mais vous pouvez communiquer comme ça. Les juifs, je voulais dire, les russes. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Le russe qui était là-bas avec les Américains. Mais toi, on torturait le mec. Il se concentre. Pour Mino. Hein? Il parle, mais les Russes, les Américains, pas te dit quoi là? Mais il est en train de communiquer avec son frère, par télépathie. Il n'y a rien de sorcier. Alors que le mec avait le KGB. Le KGB, c'est le moyen le plus puissant qu'ils utilisent aujourd'hui. Ils n'utilisent pas le téléphone. Et vous vous demandez, oh non, les Russes ont hacké quelqu'un. Oh, ceci, cela. Les gens cherchent. Vous allez chercher, vous fatiguez. Pourquoi? Parce que les pouvoirs psychiques, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les voir. D'accord? C'est ce que je voulais vous dire pour conclure, que vous pouvez vous aussi avoir ces facultés en éveil. Vous allez me poser la question, oui, j'ai mes facultés en éveil. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Le sorcier ne peut pas me contourner, parce que moi je le vois tout nu. Le sorcier négatif ou bien les marabouts, je ne sous-estime pas ces mecs-là, mais la plupart, ils ont seulement confiance aux histoires de la nature qu'ils manipulent. Le grimoire a dit quoi même? Je vais mélanger quoi? Attends, mélange de quoi? Ah, attends sa main, hein? Il a dit quoi là? Voilà, on m'a dit quoi? Élan. Okay. Oui, élan là, c'est le parfum que je vais fabriquer pour que ça va créer des ambiances érotiques, pour que la femme là ne résiste pas. Bon, attends. Albert, il faut aller me prendre élan. C'est une plante. Oui, on la trouve là-bas, à Oyem. C'est vrai que c'est toxique, hein, mais apparemment, je vais te dire. Bon, tu prends ylang-ylang. Après, tu vas me mélanger ça avec le parfum là que les chrétiens fabriquent, qu'on appelle le Saint-Michel. Ah! Oh, mademoiselle, ma tante, toi, c'est quoi? Tu cherches la protection. Bon, va me chercher la plante là qu'on appelle chèvrefeuille. Chèvrefeuille. Oui, c'est le nom. Ça s'appelle chèvrefeuille. Mais tu vois même ça la forme d'une chèvre. Parce que la plante là, hein, ça donne de la protection, ça va t'amener à être élu député, comme toi tu vas être député là dans la zone de Tshibanga. Oui, maman, je parle comme de la blague, mais je la liste. 1001 plantes, elles sont là, tout est expliqué. Le rôle des céleri, ça donne la sagesse, la protection. Le rôle des fumetaires, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne connais pas le fumetaire, mais c'est une plante. L'érable, je connais, le jacinthe, je connais. La plante qu'on appelle la patience, je connais. Ça attire l'argent, la prospérité. Donc, tous ces secrets-là, ça, c'est ma Bible, hein, de la connaissance des grands secrets de la vie. Toutes ces plantes-là, les marabouts, ils ont ça. Donc, c'est ce qu'ils font. Et puis, ils connaissent également les vertus des sourates. Donc, ils appliquent les vertus des sourates là et ils appliquent les plantes, ils prient dessus, ils mélangent les lettres, ils mélangent les nombres. Après, il prend la plante et il est dans son petit laboratoire. Il crée des élixirs. Il crée ces élixirs-là, il crée des mélanges. C'est cela, la haute magie. Mais avant de devenir haute magie, il faut d'abord avoir la basse magie. Mais la basse magie, ça n'existe pas, le terme basse magie. Ça veut dire seulement que vos facultés supérieures sont déjà éveillées. Et c'est ça l'avantage, vous, en tant qu'initié. Mais voilà pourquoi je dis que la plupart de ces sorciers, ils ne savent pas. Les sorciers, on les initie, on lui fait des vaccins, on lui a fait les scarifications, et puis on va lui mettre des plantes. Il y a des feuilles de la brousse qu'on a brûlées, séchées, et des peaux de bêtes, ou des peaux, ou les ongles de certaines bêtes, on met ça, on met autour de votre cou, autour des reins, on a fait des scarifications. Ça, c'est notre méthode traditionnelle. Et du coup, vous êtes donc rempli, on appelle ça. Vous êtes donc rempli mystiquement afin de communier. Parce qu'on nous dit, il y a une bête là. Une bête très, très, très dangereuse qui est capable d'entendre des voix de loin. Ça s'appelle le sphinx. Ça existe. C'est comme un petit lion. Alors, on vous a mis les ongles du sphinx en vous. On vous a mis les yeux. On vous a mis les yeux du sphinx. Prenons le cas du chat. Vous pensez que les gardes du Nord se blaguent? Le chat est consommé au Bénin. Je ne vous cache pas. Moi, on me l'a fait consommer dans le rite vaudou par un papa béninois. Voyez-vous? Dans le but de... Je ne veux pas vous dire. Il y a tout un rituel. Le chat, hein, le chat. Nous, on nous a fait tout un rituel, mélangé avec certaines feuilles, tout. On a consommé. Donc, dans le Nord, ils le font également. Mais ça, c'est des techniques traditionnelles qui sont... Ça va vous aider parce que le mec va amener le chat, mais vous avez l'œil clair. Vous aurez des taux vibratoires. Vous aurez des messages. Les grands maîtres invisibles vont dire... Non. Le mec, là, il veut t'embrigader. Le mec, là, veut ceci, cela. C'est ça l'avantage que vous avez. Mais vous allez là-bas bêtement. On va vous dire, tel rite pour devenir riche. On demande combien? 1 million, vous partez. Donc, s'il vous plaît, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour vous encourager à vous développer vous-même. Éveillez vos facultés. À partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, commencez à pratiquer les exercices de concentration. Je vous ai déjà donné les définitions, je ne vais plus me répéter. Je vous ai donné la définition de ce que c'est la concentration. Je vous ai donné la définition de ce que c'est la méditation. Je vous ai donné la définition de ce que c'est la visualisation, de la création, du vide du mental ou du calme mental. Vous voulez encore quoi? Vous avez toutes ces définitions, ça veut dire que c'est quoi? Donc, quand vous savez c'est quoi, ben vous pouvez maintenant l'appliquer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez dire, bon, moi, pour mon cadre, là, moi, je peux bien me concentrer, je n'ai pas de problème. Ah, mais moi, c'est la visualisation parce que j'ai entendu le maître Moret dire que avec la visualisation, vous pouvez créer des entreprises, vous pouvez attirer l'argent. C'est tout. L'homme est un temple vivant par excellence. C'est le grand temple universel dans lequel l'être suprême s'exprime en permanence. Mais cette expression permanente, elle est possible uniquement par une prise de conscience d'abord individuelle et par l'éveil de vos facultés supérieures. Lesquelles facultés supérieures, une fois sont éveillées, il y aura une connexion naturelle qui va vous mettre donc directement en diapason total avec les portes des lumières de l'intelligence universelle cosmique, la force transcendantale, pour ne pas dire l'énergie et l'esprit fondamental original. Et puis, vous êtes un avec le tout et c'est fini. Quel sorcier va vous dribbler? J'en ai terminé que Teta Mongadi, Vanga Vanga vous bénisse. Et d'ici là, portez-vous bien. Peut-être qu'on va clôturer un peu en musique. Bon, ça ne me dérange pas pour au moins 5 minutes. Puisque vous ne m'avez pas posé des questions, ça fait bien, vous avez tout compris. C'était un peu scientifique et complexe, mais je crois que j'ai parlé un langage clair qui peut être compris par tous et d'une manière tout à fait simple. Voilà donc l'enseignement d'aujourd'hui va se clôturer par cette belle musique de chez nous dont je n'ai aucun droit d'auteur. D'ici là, portez-vous bien et tous, nous avançons jour et nuit pour pouvoir comprendre que Le développement de soi n'a rien de diabolique. Le développement de soi, c'est tout simplement un grand challenge de soi-même, mais il faut travailler. Et seuls ceux qui travaillent ont la récompense. Mais ceux qui ne veulent pas travailler, rien. Les paresseux ne vont pas réussir. Les paresseux vont toujours se cacher, oh, donne-moi un fétiche. Les paresseux vont toujours dire, oh non, donne-moi un gris-gris. Les paresseux vont dire, oh non, pardon, donne-moi un talisman. Les paresseux vont vous dire, oh pardon, donne-moi un talisman qui va m'amener les millions. Ça vous fatiguera pour rien. Utilisez seulement les conseils que je vous ai portés aujourd'hui et c'est ainsi. Vous verrez que tout marchera très bien. Oh! ce n'est pas moi, oh, ça, c'est ce que la science dit, c'est la science qu'on appelle la parapsychologie. C'est tout. Maintenant, si vous ne croyez pas à ce que la science parapsychologique dit, ça, je ne peux pas dire autant. Merci encore. Pardonnez, je vais répondre à quelques questions là, que j'ai vues sur l'écran. Maître, en jouant un instrument de musique, nous pouvons dire que nous sommes... qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ça voulait dire par là que... Pardonnez-moi. Que l'on a un état calme mental? Pas nécessairement. Quand vous jouez la musique... Puisque moi, j'ai ma guitare, vous le savez. Je joue également à la guitare, je joue également au piano, je joue également parfois un peu à la clarinette. Vous n'êtes pas dans un vide mental, mais vous êtes dans une sérénité absolue. Cette sérénité qui vous met en connexion avec le son, avec ce que vous faites. Donc, en un mot, vous êtes concentré et connecté avec les vagues du message que vous faites passer. Mais vous n'êtes pas forcément dans un calme mental, parce que le calme mental... Je vous l'ai dit, c'est le calme où il n'y a rien. Rien du tout. Vous arrivez à ce stade où le flot des pensées et autres qui viennent en sursaut et en vrac, et après, ça c'est calme, après il n'y a plus rien. C'est ça le calme mental. Mais vous ne pouvez pas être dans cet état de rien tout en jouant un instrument. C'est impossible. Vous êtes dans un état de quelque chose, mais cet état de quelque chose, c'est ce qui vous emporte dans ce que vous véhiculez comme le message d'être là-bas. Maintenant, l'autre question. Mais ceux qui ne sont pas des religieux ou non initiés, ils font comme un maître. Sur cette question, je ne comprends pas ce que vous dites. Par rapport à quoi? Le développement des facultés psychiques, vous n'avez pas besoin d'être religieux. Justement, eux, ils condamnent cela. Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le sens que vous posez cette question? Je ne sais pas. Ceux qui ne sont pas religieux ou non initiés font comment? Si vous n'êtes pas initié, personne ne vous oblige de vous initier. Ce que je viens de développer là, les facultés, supérieur. N'importe qui peut développer. Le chien, là, naturellement, les chats, ils ont ça. C'est pour cela que je vous ai donné un enseignement qu'il vous est important d'avoir un chat noir. J'étais bien précis parce que le chat noir, quand vous l'avez à côté de vous et vous le caressez, inconsciemment, vous rentrez en communion avec ce chat-là, vous vous connectez et mystiquement, vous êtes protégé et ensuite, vous aurez la faculté aussi de percevoir des choses de l'au-delà parce que le chat voit cela et le chat vous protège. C'est un exemple que je prie, mais donc, il faut vous développer. Ça, vous n'êtes pas obligé d'être religieux. Est-ce que la méditation avec le son élève l'énergie spirituelle? Est-ce que la méditation avec le son, mais je vous l'ai bien dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que moi, par exemple, il y a des moments, quand je suis dans mon véhicule, je médite à travers la musique classique. Je sélectionne ou bien je mets mon mungongo. Je mets le mungongo ou bien je mets le ngombi. C'est ça. Ça aide, oui. Ça élève l'esprit également dans cet état transique. Ça vous amène. Maître, pour ceux qui... pour ceux qui sortent de la chrétienté et font un retour à leur culture? Comment peuvent-ils débuter toute spiritualité sans tomber dans les griffes de bourreau? Bon, les griffes de bourreau, c'est qui? Je ne sais pas. Vous pouvez sortir. Allez-y me suivre si vous êtes nouveau. Apparemment, vous êtes nouveau. Allez-y me suivre la vidéo. Comment sortir d'une secte ou bien d'une religion? Je répète, allez-y suivre la vidéo dans cette même chaîne. Comment sortir d'une religion ou bien d'une secte? Et vous verrez. Ça y est, ça ne peut pas créer des problèmes. Maître, parlez-nous des fausses visions. Est-ce que les sorciers ou les esprits peuvent tromper la vision spirituelle des voyants? Pour bon, moi, je ne sais pas, hein? Les fausses visions. Bon, moi, je ne sais pas. Vision, c'est vision. Vision, c'est vision. Quand vous êtes dans votre état transique, c'est-à-dire vous êtes en transe, dans votre état, être en transe veut dire que vous êtes déjà en connexion totale avec l'au-delà. Mais quand vous êtes en connexion avec l'au-delà, les visions sont les visions. Comment vous avez dit elles sont fausses? Moi, je ne sais pas. Vous voulez dire par là quoi? Ça veut dire que les visions que vous voulez dire à l'autre, bon, toi, je te vois là. Ton grand-père Mandiango, c'est celui qui avait tapé le coup de poing à papa Mamadou, alors que c'est faux. Oui, si vous parlez dans ce sens-là, oui, ça c'est des fausses visions, c'est-à-dire qu'ils font des fausses révélations. Si vous parlez de vision révélation, oui, il y a des fausses. Maintenant, pour le savoir, mais c'est vous qui êtes là en face de lui. Bon, moi, généralement, quand je consulte mes gars, mes personnes qui ont fait l'expérience de consultation, on parle, je pose des questions. Généralement, je leur dis, bon, voilà, c'est ceci, cela. Voilà. Et puis la personne me dit, oh, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et cela, je dis, bon, dites-moi un peu plus si ce que je dis est vrai ou faux. Elle me dira, oui, c'est vrai. C'est cela. La vision, elle est vraie. Mais il y a des moments, une fois en passant, je peux dire, mais il y a l'oncle là qui a fait ceci. Mais après, il y a un petit hic, un quiproquo là, et la personne dit, ah, non, non, non, non, moi. Du côté de ma mère, je n'ai aucun oncle comme ça. Ça arrive. La personne peut penser que c'est une fausse vision. Je dis non, je parle de oncle du côté du père. Parce que nous, du coup, en Afrique, ça dépend des tribus. Le petit frère à mon père n'est pas forcément mon père. Il peut être aussi mon oncle. Et puis je précise, oncle du côté paternel. Donc, les visions, si c'est ça, la vision révélation qui sont fausses, c'est vrai. Il y en a des fausses. Si c'est dans ce sens que vous me parliez là, que vous posiez votre question. Non, ce n'est pas Elan, Elan, c'est Ilan, Ilan. Merci de corriger. La plante s'appelle Ilan, Ilan. Ok, je crois qu'on en a terminé. Oui, il y a les plantes pour l'intellect, il y a tout. Mon livre, il est là, il est plein. Maintenant, si vous voulez que je vous communique, il faut payer. Ça ne c'est pas cadeau. Depuis un moment, je suis vos vidéos pour mettre un niveau, je machin, tout, une somnolence bizarre. Oui, la somnolence est normale. Bon, je vais déjà expliquer ça. Que lorsque quelqu'un vous passe une connaissance, ou bien même vous êtes en conférence et que vous semblez somnoler, voyez un peu votre passé. Votre passé, c'est quoi? C'est-à-dire que si vous étiez dans des systèmes de programmation, vous avez reçu des enseignements des religions et autres, les connaissances du maître qui vous parle sont tellement fortes que ça frappe votre subconscient, et bien à un moment donné, votre esprit se rebelle, l'esprit refuse d'accepter cela, et c'est ce qui explique que la somnolence. Le type parle après le sommeil, il vous prend. Parce que généralement, mes anciens, quand je les fais passer, hein, c'est difficile que les gens dorment. Ils cherchent toujours, oh mon Dieu, qu'ils continuent, pendant que je me plains que ça fait 2 heures de temps. Donc, généralement, mes consciences éveillent, mais votre esprit peut être rebelle, c'est ça. Ça s'appelle la rébellion. Ça, c'est la première explication. Quand vous constatez que vous dormez pendant qu'un expert parle, c'est la rébellion de votre esprit. Et deuxièmement, c'est aussi la longueur. Parce que si le type parle trop, vous vous ennuyez, vous allez dormir. Donc, il faut considérer cet aspect-là. D'accord? Bon, je ne sais pas si vous vous ennuyez quand vous m'écoutez. Bon, ça peut arriver que vous dormiez. Prier en esprit veut dire quoi? Non, mon Dieu. Là, ça, là, il y a des vidéos. Moi, j'ai déjà répondu à toutes ces questions. J'ai expliqué prier en esprit. J'ai expliqué même tout un enseignement, toute une vidéo sur comment prier en esprit et en vérité. J'ai expliqué cela. Prier en esprit veut dire vous priez avec l'esprit, par la pensée, c'est à l'intérieur. C'est ce que ça veut dire. Vous parlez à Dieu, mais en pensée. Vous prononcez les mots, vous lisez. Vous n'avez jamais entendu parler ce qu'on appelle lire dans le silence. Donc, prier en esprit veut dire prier dans le silence, total. Là, je suis en train de lire le Notre Père. Voilà ce qu'on appelle prier en esprit. Prier dans l'esprit. C'est-à-dire, c'est prier Dieu dans le silence absolu. C'est prier Dieu en esprit. Donc votre âme, c'est votre âme qui parle. Ce n'est plus là, le verbe là, ce n'est plus le physique. Vous n'utilisez plus vos sons vocaux. Vos sons vocaux, tant pour moi. Voilà, vous n'utilisez plus ça. C'est ce que ça veut dire, prier en esprit. Oui, c'est ce que j'ai dit, Claude Mba. La prophétie s'acquiert par le travail spirituel, par l'éveil de tout ce que je vous ai dit là. Bon, bref, je crois que j'ai répondu à ces questions. Nous allons nous séparer. Et d'ici là, portez-vous bien une fois de plus. Merci. Merci encore. Merci à la régie. D'ici là, portez-vous bien. Donc, si telle est la volonté de Teta Mwanga, peut-être que demain, nous allons voir si nous pouvons approfondir encore dans ces sciences, hein, s'il y a la possibilité. Mais je crois que j'ai été clair. Et maintenant, si vous avez des questions en rapport avec ce que je venais de partager avec vous, vous avez le forum qui est libre. Et rentrez dans le forum, cliquez à la droite de votre téléphone. Généralement, c'est le téléphone qui marche, les téléphones Android. Ça va être difficile pour ceux qui ont le téléphone iPhone, c'est compliqué. Mais nous autres qui avons les Samsung, les LG, ce sont des téléphones Android ou encore, quel est mon troisième phone là, ça s'appelle BlackBerry. D'accord, j'utilise mon BlackBerry, ça passe. J'utilise le Samsung, ça passe. J'utilise le LG, ça passe. Donc, ça, c'est des téléphones. On appelle ça des téléphones Android. Donc, si vous avez des difficultés parfois de rentrer, c'est soit vous avez un téléphone iPhone ou bien vous voulez rentrer à partir de l'ordinateur. Ça ne passe pas. L'ordinateur, laptop, ça ne va pas passer. C'est uniquement téléphone Android. Vous cliquez sur le lien Telegram. Eh bien, voilà, ça vous amène tout droit dans nos forums. Et c'est de là-bas que vous pouvez poser toute forme de questions. Là, d'ailleurs, dès que je finis avec vous, je vais aller répondre aux questions là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Mais attention, ne posez pas vos questions individuelles, personnelles. Si c'est une question intime qui vous concerne, il faut me contacter en privé. Maintenant, si vous n'avez pas mon contact privé, dans le forum, là, vous demandez, l'un des administrateurs va vous donner ce téléphone-là, et puis vous pouvez me contacter. Et soyez patient, parce que je suis tout seul à faire tout ceci, et ensuite, je travaille 6 jours sur 7, donc ce n'est pas évident. Il y a des jours où je suis de repos. Là, par exemple, je viens de parler avec vous. Dans 1h30, je vais me rendre au boulot. Alors, vous comprenez donc que je suis très chargé. Hein, et que soyez patient parfois. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, bon week-end.